بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 26 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab Usul al-Iman, avec le charh de Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et donc, on est toujours dans la première partie du livre. Kitab al-Iman billah, la foi en Allah Azza wa Jal. Donc on parle en particulier des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc le tawhid des noms et des attributs. Et on est arrivé maintenant à un chapitre qui, un sous-chapitre qui s'appelle Sabrullah ta'ala ala takzib al-makhluqi lah. Sabrullah ta'ala ala takzib al-makhluqi lahu. C'est-à-dire la patience que Allah Azza wa Jal a, hein, du fait qu'il endure de la part de sa créature le fait qu'il renie son créateur. Donc Allah Azza wa Jal, il patiente et il endure la négation ou le fait de la créature qui renie son créateur. Donc, on va expliquer un peu plus par la suite la signification de ça. Il dit, et le hadith maintenant, c'est le hadith numéro 36 et 37. Donc, le hadith 36, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل, كذبني ابن آدم, ولم يكن له ذلك, وشتمني, ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني, وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما, وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا, رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith ici qui est rapporté, c'est un hadith qudsi. Hadith Qudsi, ça veut dire que c'est Allah Azza wa Jal qui parle et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne donc les paroles d'Allah. Et il explique ici, c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal dit, le fils d'Adam, c'est-à-dire l'être humain, le fils d'Adam m'a démenti. Hein? Il m'a kadhabani, c'est-à-dire c'est comme si il m'a renié. Hein? Il m'a démenti. Alors qu'il n'a pas le droit de faire cela. Et il m'a insulté. Et il n'a pas le droit de cela. En ce qui concerne le déni, hein, le déni de la part de la créature vis-à-vis d'Allah, hein, il dit, en ce qui concerne son déni de ma part à mon sujet, ou le fait qu'il m'a démenti, c'est lorsqu'il dit, il ne va pas me refaire comme il m'a créé la première fois. Alors que la première création, Donc il dit la première création n'est pas moins difficile comme si il disait Yani que c'est pas plus difficile pour moi de le refaire que ça a été facile pour moi de le créer la première fois. C'est dans ce sens-là. C'est pas plus difficile pour moi de le créer la première fois que de le recréer une autre fois. Et il dit, en ce qui concerne son insulte envers moi, c'est lorsqu'il dit, Allah a pris un fils, alors que je suis l'unique, hein, celui vers qui tout se tourne pour demander ce dont ils ont besoin, et yani, celui qui n'a besoin de rien. Hein. Et donc, il dit, je suis celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Et il n'y a personne qui est comparable ou égal à moi. Donc, ça c'est le hadith. Et le deuxième hadith, c'est une autre narration selon Ibn Abbas. Il dit, en ce qui concerne l'insulte, hein, que fait le fils d'Adam envers moi, c'est lorsqu'il dit que j'ai un fils. Hein, il dit, pureté à moi, gloire à moi, hein, de prendre, je ne prends pas ni de compagne, ni d'enfant. Donc ça, c'est rapporté aussi par Al-Bukhari. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là. Il dit, وفي هذا الحديث تكذيب المخلوق لخالقه جل وعلا وذلك أنه جل وعلا أخبر أنه سيبعث الخلق يوم القيامة وكثير من الخلق قد أنكروا البعث وقالوا إن الميت لا يمكن أن يبعث حيا مرة أخرى بعد أن صار ترابا فهؤلاء القائلون لهذه المقالة ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا أن الله على كل شيء قدير ووصفوا قدرة الله بالعجز عن الإحياء والأموات وبالعجز عن إحياء الأموات نعم ووصفوا قدرة الله بالعجز عن إحياء الأموات وفي هذا تكذيب له مع أنه سبحانه قد أقام الأدلة والبراهين الدالة على إعادة الخلق والإحياء والبعث فذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها وتكون جدباء قاحلة ثم ينزل عليها الماء وسرعان ما تهتز فتصبح خضراء وبهيجة فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات يوم القيامة ثم إن الذي خلقهم أول مرة من عدم أليس قادرا على أن يعيدهم مرة ثانية والإعادة في نظر العقول أهون من البداية قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالذي قدر على البداءة لا يعني فالذي قدر أو يعني فالذي قدر على البداءة نعم من لا شيء لقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهو قادر على الإعادة من باب أولى قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون نعم donc ici le cheikh il explique que dans ce hadith Allah Azza wa Jal il explique que les créatures elles dénient leur créateur. Elles renient leur créateur. Et ça, c'est dans le fait que Allah Azza wa Jal, il nous a informé, il a informé la créature qu'il va recréer, ressusciter les êtres humains au jour de la résurrection. Mais il y a beaucoup d'entre les créatures qui renient, hein, qui renient la résurrection, et ils disent que les morts ne peuvent pas revenir à la vie une fois qu'ils sont déjà devenus de la poussière, hein, devenus de la terre. Donc ces gens-là, ils disent donc ce genre de propos à propos d'Allah, hein. Ils pensent que Allah Azzawajal n'a pas la toute-puissance. Hein? Ils n'estiment pas Allah comme il le mérite. Ils n'ont pas connu Allah Azzawajal comme étant celui qui a le pouvoir sur toute chose. Ils ont décrit Allah comme si il était incapable de faire revivre les morts. Et ça, c'est une forme de négation. Hein? C'est comme si quelqu'un il a renié Allah Azzawajal et sa toute-puissance. Et malgré ça, si on observe comme il faut, dans les arguments et les preuves qui ont été établies dans le Coran, qui sont des preuves rationnelles, hein, on voit que Allah Azzawajal, il fait revivre la création qui est morte à chaque fois. Même dans le monde, dans la nature, on le voit. Hein, c'est lui qui fait revivre la terre après qu'elle soit devenue morte. Hein, quand on voit la terre, par exemple, totalement asséché, complètement, complètement sèche, il y a pas une goutte d'eau, la terre, elle commence même à fendre, tellement, tellement elle est sèche. Et du moment que Allah Azzawajal fait descendre la pluie sur cette terre, et aussitôt on voit apparaître de la verdure et toutes sortes de fleurs, hein, et toutes sortes de. Hein, de belles plantes, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple que Allah Azzawajal nous donne pour nous faire comprendre qu'il est capable de faire revivre les morts. De la même manière qu'il est capable de redonner la vie à la nature lorsqu'elle est morte. Et surtout dans les pays, par exemple, où on a l'hiver, on le voit clairement chaque année, quand l'automne arrive. Les feuilles commencent à tomber et l'hiver, les arbres sont complètement dénudés. Hein? Elles n'ont pas une seule feuille dans leurs branches. On dirait que toute la nature est morte. Hein? Et même des fois, c'est très triste de regarder le paysage des arbres comme ça, sans aucune feuille. Et quand le printemps arrive, hein, la chaleur commence à remonter et là, tout d'un coup, on voit les bourgeons qui commencent à renaître. Et on voit que petit à petit, les feuilles commencent à sortir. Et en quelques semaines, les arbres sont devenus verts à nouveau. Les arbres redeviennent verts encore une fois. Donc, qui est-ce qui fait ça? C'est Allah Azzawajal. Il est capable de faire revivre la nature après qu'elle ait été morte. Donc, s'il est capable de faire ça, hein, dans cette dunya, donc pourquoi il ne serait pas capable de le faire encore une fois dans l'au-delà? Et comme le cheikh l'explique ici, il dit celui qui a été capable de créer tout ça, toute la création, à partir de rien, au départ, eh bien, n'est-ce pas que c'est encore plus facile pour lui de le refaire une deuxième fois, hein, déjà qu'il l'a fait une première fois à partir de rien, de le refaire à partir déjà de qu'est-ce qui a été fait, c'est encore plus facile, hein? On dit souvent le plus difficile à fabriquer, quand on fabrique un produit ou un objet, le plus difficile à fabriquer, c'est le prototype. Hein, parce que c'est ça qui demande tout le temps, la préparation, puis la fabrication des pièces. Et puis ensuite, on dit, on fait les tests pour voir si ça fonctionne. Hein, puis une fois que ça marche, on l'utilise comme modèle. Puis après, on utilise ce modèle-là pour créer les autres copies. Hein? Mais le plus compliqué à faire, c'est le prototype. Eh bien, ça, c'est un exemple, encore une fois, pour nous faire comprendre que si c'était déjà facile pour Allah Azzawajal de créer, hein, l'être humain la première fois, quand il l'a créé, alors c'est encore plus facile pour lui de le refaire une deuxième fois. Et ça, si on regarde sur le plan de la raison, hein, de la logique. Et Allah Azzawajal, il mentionne cet exemple-là et cet argument-là dans plusieurs versets dans le Coran. Et par exemple, le verset 27, hein, dans Surat Ar-Rum. Verset 27 dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie ce principe-là. Donc, je vais vous lire ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, c'est lui qui commence la création, puis il la refait. Hein? Et cela est plus facile. Hein? Donc, ça, c'est un exemple ici. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ hein, c'est-à-dire c'est plus facile pour lui encore que la première fois. Et donc, ça c'est un exemple. Et il dit فَالَّذِي قَدَّرَ عَلَى الْبَدَاءَ celui qui a été capable de débuter et de commencer la création au départ, à partir de rien, sans aucun modèle hein, précédent, sans aucun plan, hein, sans aucun... Sans rien en fait. Yani, il a créé à partir de rien du tout. Hein? Il a créé à partir de rien. Hein? À partir de rien. Et là, yani, il décide de le recréer. Et bien, ça, c'est encore plus facile. Et il dit dans le verset 9 dans Surat Maryam, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, et je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien hein, avant la création. Et il cite le verset dans Surat Al-Insan, qui est le premier verset justement dans cette surah. هَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا hein? Donc ça c'est également un exemple dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable, hein? C'est-à-dire que il n'était même pas là, il n'était même pas, il n'existait même pas. Hein? Puis Allah l'a créé par la suite. Et il cite aussi les versets dans Surat Yassin, hein, les versets 78 à 80. Donc ça aussi, c'est des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il mentionne cet exemple-là. Et c'est un exemple qui est très intéressant. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit, ô Muhammad, « Celui qui les a créés, une première fois, leur redonnera la vie. » Il se connaît parfaitement à toute création. D'accord? Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui a tout créé et qui va recréer les créatures dans l'au-delà. Et dans Surat Al-Isra aussi, il y a un verset comme ça dans ce sens-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kounou hijaratan ou hadida. C'est-à-dire, même si vous êtes devenu. Hein, c'est-à-dire que même si vous êtes devenu de la poussière, Allah il va vous recréer. Il dit, même si vous êtes devenu du métal, ou que vous êtes devenu, hijara, vous êtes devenu de la pierre. Hein? Parce qu'on sait que dans le sol, les substances elles se transforment des fois. Hein? La substance organique, elle se transforme dans la terre, elle se décompose. Puis elle devient quelque chose d'autre. Hein? C'est pour ça qu'on dit que tout le pétrole qui existe maintenant dans les pays, dans certains pays, il y a du pétrole dans la terre. Ce pétrole-là, à la base, ils ont dit que c'est en réalité toutes sortes de matières organiques qui s'est décomposée et qui est devenue du pétrole. Hein? Donc ça veut dire qu'en réalité, eh ben, ce pétrole-là, eh bien, c'était de la matière, hein, c'était de la matière organique. Allah Azza wa Jal, il est capable de la recréer. C'est pour ça que, yani, peu importe qu'est-ce que tu deviens, même si tu te transformes, même si tu as été brûlé, hein, on a pris ton corps, on t'a brûlé, tu es devenu de la cendre, eh bien, il va te créer quand même, il va te recréer quand même à partir de cette cendre. Même si tu t'es décomposé, on t'a jeté dans la mer, tu as été mangé par un requin ou par un lion hein, sur la terre. Et le lion, il t'a avalé, il t'a digéré dans son intestin, dans son estomac, dans son intestin. Tu es devenu une partie de sa composition lui, à lui aussi, parce qu'il t'a digéré. Il a utilisé ton corps pour ses nutriments, pour pouvoir fabriquer son corps à lui. Malgré ça, Allah, il va te recréer encore une fois. De toute façon, Allah, Azza wa Jal, tout est écrit dans un livre pour lui. Donc, tout ce qui a été créé, il le sait parfaitement. Et si c'est l'heure du jugement, quand il vient, il va te recréer comme il t'a créé la première fois. Naam. Donc, il dit ensuite, le cheikh, il dit, « Thumma inna khalqa as-samawati wal-ard a'azamu min khalqi l'insan. Fallazi qadara ala khalqi ma huwa aq. أعظم قادرا على خلق ما هو دون ذلك من باب أولى قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذه كلها براهين عقلية على حصول البعث ومع ذلك فإن بعض الخلق ينكر ذلك ويكذب الخالق جل وعلا وما كان لهم أن يكذبوه سبحانه وتعالى. Il dit puis ensuite donc Allah Azza wa Jal il a créé les cieux et la terre et la création des cieux et la terre c'est beaucoup plus grand que la création de l'être humain. L'être humain il est tout petit à comparer à l'univers. Donc celui qui est capable de créer les créatures les plus immenses, les créations les plus immenses, est-ce qu'il n'est pas capable de créer ce qui est plus petit, et ce qui est plus, plus faible, Donc ça, c'est évident, C'est évident. Et comme il mentionne le verset dans Sourate Ghafir, le verset 57, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes, mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc tout ça sont des preuves rationnelles qui nous montre que, effectivement, la résurrection va se produire, et que c'est facile, que c'est facile pour Allah, et que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et malgré cela, il y a des créatures qui renient cela malgré tout, et qui renient le Créateur, alors qu'ils n'ont pas le droit de le renier, puisque c'est leur Créateur. Et c'est étonnant aujourd'hui que dans certains pays, par exemple, le fait de renier, par exemple, certains événements historiques peuvent être considérés par certains ou pour certains comme étant un crime. Si quelqu'un, par exemple, il remet en question certains événements historiques, ou bien qu'il dit, par exemple, qu'il n'est pas convaincu de la véracité de certains événements, eh bien, dans certains cas, il peut même être emprisonné pour ça. Alors que s'il nie l'existence d'Allah, ça c'est rien pour eux. Ça c'est pas grave. Allah al-Musta'an. Donc, est-ce que la foi en Allah n'est pas plus importante qu'un événement quelconque, parmi les événements historiques? Donc ça c'est un exemple comment certains, par exemple, ils mettent l'importance sur des choses qui ne sont pas importantes et qui négligent le plus important qui est, bien entendu, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le shaykh, il dit « Wa amma shatmuhu lillahi subhanahu wa ta'ala wa dhalika bi an yansibu lahu al-walad wallahu jalla wa ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahad wa li anna al-walad yushbihu al-walid وهو سبحانه وتعالى لا شبيه له والولد كذلك جزء من الوالد وهو سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون له جزء مخلوق تعالى الله عن ذلك وفي القرآن الكريم وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا الولد الولد كما ذكرنا جزء من الوالد والولد بذلك يكون إلها مع الله والله جل وعلا ليس له شريك فلو كان له ولد لصار له شريك، تعالى الله عن ذلك. والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وأهل الجاهلية من مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، لأنه سبحانه بزعمهم تزوج من الجن، نسأل الله العافية. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فينسبون البنات إليه سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون البنات لأنفسهم. قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تعالى الله عما يقولون. وقوله في حديث ابن عباس سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، قوله صاحبة يعني زوجة، لأن الولد لا يكون إلا من زوجة، والله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة. قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني ليس له سبحانه زوجة. Donc ça c'est un autre exemple aussi, après avoir clarifié ce que Allah Azza wa Jal a mentionné comme négation de la part de la créature pour son créateur. Il mentionne ensuite l'exemple de l'insulte que la créature fait à son créateur, et c'est en lui attribuant un fils. Donc le fait que l'être humain, par exemple, dise à propos de son créateur qu'il a un fils, ça c'est considéré par le créateur comme étant une insulte. Hein? Donc combien de chrétiens aujourd'hui, ou de mushrikin, hein, parmi les kuffars, qui attribuent à Allah Azza wa Jal des enfants, des fils ou des filles, ou yani, des femmes, hein? Et ça on le retrouvait chez les Grecs de l'Antiquité, chez les Égyptiens de l'Antiquité, chez les Hindous jusqu'à aujourd'hui, hein? Chez les Hindous jusqu'à aujourd'hui. Yani, chez les chrétiens on retrouve ça, et dans plusieurs autres civilisations, hein? Même je pense que les Japonais aussi, ils disaient que leur empereur à l'époque c'était le fils du soleil ou le fils du dieu soleil. Donc il y a beaucoup de croyances, hein, dans différents peuples qui s'imaginent ou qui croient que Dieu a des fils, que Allah Azza wa Jal à des fils ou des filles, hein, ou une compagne. Hein. Les Grecs, ils disaient que Zeus, il avait des femmes, puis qu'il avait des femmes parmi les déesses, hein, même parmi ses sœurs. Même il avait une de ses femmes, c'est sa sœur. Et il avait des enfants avec elle. Puis, parmi les humaines, parmi les êtres humains, il avait des femmes aussi. Hein, et il faisait des bébés avec elle, et les enfants de ces femmes-là devenaient des demi-dieux. Hein? Donc tout ça, c'est les origines qui ont inspiré la croyance des chrétiens aujourd'hui, de dire que Jésus est fils de Dieu, hein, ou Dieu incarné. Tout ça, c'est des exemples. Il y en a chez les Égyptiens de l'Antiquité, avec leur croyance en les différentes idoles qu'ils avaient, les différentes divinités, les fausses divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, hein, Isis, Osiris, et tous ces autres noms qu'ils ont inventés. Ça fait partie des autres exemples de shirk que ces gens-là avaient, qui adoraient le soleil, qui adoraient toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah. Même les Arabes de la Jahiliya, qui priaient à toutes sortes d'autres divinités, et qui disaient que les anges sont les filles d'Allah. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Et donc ça, c'est considéré par Allah comme étant une insulte. Parce que Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été engendré lui-même, il n'a pas donc de parents. Hein? Tandis que tu vois que les chrétiens, quand ils prient, une de leurs plus grandes prières, surtout les catholiques, ils disent « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Donc, ça veut dire que pour eux, Dieu, non seulement, hein, il a un enfant, mais il a une mère. parce qu'ils disent mère de Dieu. Donc ils considèrent Marie comme étant la mère de Dieu. Allah al-Musta'an. Donc est-ce qu'il a un père aussi? Bien entendu, il a un père. Ils considèrent que Dieu est Dieu le. Ils disent que il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont trois personnes, mais ils forment un. Donc ça, c'est leur croyance en la Trinité. Donc tout ça pour dire, yani, comment le shirk et le kufr est répandu parmi les créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le nombre de mushrikines sur la terre, c'est la majorité des hommes. C'est la majorité des êtres humains sur terre qui sont des mushrikines. Tandis que parmi les êtres humains, les athées sont une minorité. Les athées, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence d'Allah, ceux-là sont une minorité dans l'humanité. La grande majorité des êtres humains sur terre sont des mushrikines. Ils adorent Allah et d'autres avec lui. Ou ils adorent d'autres, plusieurs divinités, hein, en dehors d'Allah. Et yani, donc, parmi les êtres humains, il y a donc les athées, qui sont une petite minorité, il y a les mushrikines et les kuffars, et il y a les musulmans, qui sont aussi une minorité. D'accord? Donc, le cheikh, il explique, donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été engendré lui-même, et il n'y a rien qui est égal à lui, ou comparable à lui. Et il dit parce qu'en général, l'enfant, quand quelqu'un il a un enfant, son enfant lui ressemble. Tandis que Allah Azza wa Jal, il n'y a personne qui lui ressemble. Hein? La shabihala. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit en même temps, ton enfant, c'est une partie de toi-même. Parce que pour faire l'enfant, hein, on sait que comment ça fonctionne, l'enfant. Quand un homme a un enfant, il y a le spermatozoïde et l'ovule de la mère et le spermatozoïde du père. Et il y a un échange de chromosomes. Hein? On va prendre un nombre des chromosomes du père, un nombre des chromosomes de la mère. Et c'est ça qui va faire le bagage génétique de cet enfant-là. Donc ça veut dire que si hein, Allah Azza wa Jal devait avoir un enfant, cet enfant-là, il a une partie, hein, soi-disant, si eux, je ne sais pas s'ils attribuent à Allah un code génétique, nasallallahu al-afiyah, mais c'est juste pour dire à quel point les choses deviennent absurdes quand on commence à rentrer dans ce genre de croyance de shirk, comment il parle avec, à propos d'Allah sans aucun respect. Donc c'est ça la réalité de ces gens-là. Donc tu leur dis, Jésus quand il est né de Marie, est-ce qu'il avait seulement les gènes de sa mère? Est-ce qu'il avait aussi des gènes de comme ils disent, si là, son père c'était Dieu, donc est-ce qu'il avait des gènes divins? Ça fait aucun sens de dire ça, subhanallah. Hein? Et donc c'est pour ça qu'on dit, Allah Azza wa Jal, hein, il a créé Adam à partir de rien. Il a créé Adam à partir de rien. Et s'il a créé Adam à partir de rien, il est capable de créer Jésus, Isa, à partir d'une mère, hein, à partir de sa mère. Donc s'il est capable de créer Adam à partir de ni père, Adam qui avait ni père ni mère, Adam, le premier homme, n'avait ni père ni mère, et Allah l'a créé. Donc s'il est capable de créer Adam à partir de rien, hein, sans père ni mère, est-ce que c'est pas plus facile encore de créer Jésus à partir d'une mère, puisque de toute façon on est tous nés d'une mère, de toute façon, hein? Il n'y a personne, illa man rahim Allah, qui est sorti hein, d'autre que le ventre d'une femme. Hein, les êtres humains, on est tous nés du ventre d'une femme. Donc dans ça, il n'y a pas vraiment un grand miracle dans la naissance de Jésus. Le seul miracle, c'est dans le fait qu'il n'avait pas de père. Et le fait qu'il n'a pas de père, ça ne veut pas dire que Dieu, c'est son père. Puisque Adam aussi n'avait pas de père. Et c'est, ça, on ne va pas dire qu'il est fils de Dieu pour ça. Donc ça c'est important à comprendre. Allah Azza wa Jal, il est capable de créer chaque être humain sans père ni mère, s'il veut. Hein? Mais il a voulu créer Jésus, Isa, de cette façon-là, comme un test et comme une épreuve pour l'humanité. Hein? Mais malheureusement, beaucoup d'êtres humains sont tombés et ont échoué dans cette épreuve-là. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le créateur de Isa, qui est Allah, ils ont commencé à adorer Isa lui-même, la créature. Et ils en ont fait une divinité, alors que c'est un messager et non pas une divinité. Donc, quand un homme a un enfant, c'est une partie de lui-même. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Ils lui ont donné ou ils lui ont attribué, de par ses serviteurs, une partie. Hein? Ils ont fait de son serviteur une partie de lui. Et ça, c'est en disant qu'il a un fils. Et Allah Azza wa Jal, il n'y a aucune part de lui qui est créée. Donc, il ne peut pas avoir de fils. Hein? Il ne peut pas avoir de fils parmi ses créatures. Hein? Et Jésus, c'est une créature. Donc, Allah Azza wa Jal, s'il aurait eu un fils qui était créé à partir de lui-même, c'est sûr qu'il aurait été, une divinité comme Allah. Mais Allah, il n'y a personne avec lui. Il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'associé, il n'a pas de fils. Hein? C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, « قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَنِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ. » Dit, si le tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il avait un fils, alors je serai le premier à l'adorer. Hein? Mais Allah Azza wa Jal ne peut pas avoir de fils parce qu'il est l'unique. Hein? Il est le Tout-Puissant et il n'a pas de partenaire ni d'associé dans son royaume et dans sa création. Tout ce qui existe est sa créature et son esclave. Il n'a rien d'autre que ça comme relation avec sa création. D'accord? Et donc, ça c'est important. Et beaucoup de chrétiens, ils le disent même, que quand ils parlent du fait que Jésus, hein, ils disent fils de Dieu, mais beaucoup d'entre eux, quand tu leur poses la question, est-ce que vous dites ça dans le sens qu'il est le fils comme un homme est le fils de son père, ils disent non, c'est pas ça qu'on veut dire. On dit qu'il est le fils dans le sens qu'il l'aime comme un fils. C'est un amour symbolique, une relation symbolique et non pas réelle. Hein? Et même dans ce sens-là, on doit rejeter cette façon d'employer ce terme pour éviter toute ambiguïté. Mais c'est clair que ceux parmi les chrétiens qui réfléchissent, ils comprennent et ils savent très bien que Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant parmi les créatures, il n'a pas de femme non plus. Hein? D'accord? Et la preuve aussi de ça, c'est que même dans leurs livres, la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a beaucoup de créatures qui ont été désignées comme étant fils de Dieu. Et même fils unique de Dieu. Hein? Et les Juifs ont interprété ça comme étant sur le plan symbolique par rapport à la relation que Dieu a avec certaines de ses créatures, comme les Awliya d'Allah, hein, dans ce sens-là, ceux qui sont bien aimés d'Allah. Et c'est pour ça que Allah il dit dans le Coran, yani. Est-ce que c'était à propos des Juifs? وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ. Hein? Ils ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses bien-aimés. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قُلْ لِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقٍ. Hein? Dis, si c'est le cas, alors pourquoi il vous punit pour vos péchés? Vous n'êtes que des créatures, des êtres humains, vous n'êtes que des êtres humains comme les autres êtres humains. Hein? Vous n'avez rien de particulier pour qu'on dise de vous que vous êtes des fils de Dieu ou de ses bien-aimés. Ouais, c'est le verset 18 dans Sourate Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. C'est dans sourate Al-Ma'idah, le verset 18, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Hein? Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous n'êtes que des êtres humains. D'entre ceux qu'il a créés, il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah, hein, c'est à lui qu'appartient les cieux, c'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Hein, donc ce verset-là, il clarifie en fait que les juifs, ils se considèrent les fils d'Allah. Et les bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont choisis, que Allah les aime pour ça. Alors qu'on sait très bien que Allah Azza wa Jal n'a aucun lien de parenté avec aucune de ses créatures. Mais que ce sont des créatures et que la seule chose qui anoblit une créature, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. La plus noble d'entre vous, c'est la personne la plus pieuse. Celle qui se préserve le plus d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Donc ensuite, le cheikh, il explique. Donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé dans sa création. Et s'il aurait un fils, ça aurait été son partenaire. Mais Allah Azza wa Jal, il a nié toute forme de partenaire. Donc il n'a pas de fils. Et ensuite il dit, le cheikh, que les chrétiens, ils ont dit que Jésus est le fils d'Allah. Et les chrétiens et les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Et en passant, ils ont dit ça à propos de Uzair et ils l'ont dit à propos de beaucoup d'autres prophètes. Pas seulement Uzair. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets où les juifs, ils disent à propos d'Allah qu'il a plusieurs fils. Ils le disent à propos de Suleyman, ils le disent à propos du prophète Daoud, ils le disent aussi à propos de beaucoup d'autres prophètes. C'est mentionné dans leurs livres encore aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour dire que Allah Azza wa Jal, il a interdit ça pour enlever toutes les ambiguïtés et les doutes ou les mauvaises compréhensions que les mouchriquines ont justement de cette expression-là. Et même chez les Arabes, dans la Jahiliya, ils croyaient que les anges, c'était les filles d'Allah. Ils utilisaient le féminin pour le décrire. Ils décrivaient les anges par le féminin en disant que c'était des filles d'Allah. Il prétendait que Allah Azza wa Jal avait eu ces filles-là en se mariant avec les djinns. Nasallallahu al-afiya. A'udhu billah. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 157, dans sourate As-Saffat, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا. Ils ont fait entre Allah et les djinns un lien de parenté. En attribuant les filles à Allah en disant que ce sont que les anges sont les filles d'Allah, alors que eux-mêmes ils ne supportaient pas d'avoir des filles. Ils trouvaient que d'avoir des filles, c'était honteux, et parfois même quand ils avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Ça, c'est grave. Dans la Jahiliya, les Arabes, ils faisaient ce genre de choses atroces. Donc ça, c'est un exemple. Et il dit dans le verset 62 dans Surat An-Nahl, ويجعلون لله ما يكرهون. C'est-à-dire, ils attribuent à Allah ce que eux-mêmes détestent pour eux-mêmes. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. Dans Surat An-Nahl, le verset 62. C'est ça. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Yani. Donc ça, c'est pour dire comment ces gens-là étaient dans l'illusion totale. Et il dit ensuite, le cheikh, que dans l'autre narration du hadith qui est mentionné dans ce point-là, celle de Ibn Abbas, il dit « Gloire à moi » ou « Que je sois purifié »« Subhani hein? » yani, que je sois purifié hein? Et glorifié d'avoir pris une femme, une compagne ou un enfant, ou d'avoir eu un enfant. Il dit parce que une femme, hein, tu peux pas avoir un enfant sans avoir une femme. Et donc eux, ça veut dire que ces chrétiens, par exemple, ou les autres mouchriquins, ils ont attribué à Allah un fils. Donc ça implique qu'il doit avoir une compagne, qu'il doit avoir une femme. Hein. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, comme il le dit dans le verset 110 dans Sourate Al-An'am. Comment pourrait-il avoir un fils s'il n'a pas de compagne. Hein? Il n'a pas d'épouse. Il n'a pas de femme. Donc, Allah Azza wa Jal, il est unique. Hein? C'est pas comme les chrétiens qui, qu'est-ce qu'ils ont comme conception par rapport à Allah. Hein? Et c'est pas non plus la conception des Grecs, ou des Romains, ou des Hindous, ou des Bouddhistes, ou des autres peuples qui ont des idées de shirk, et qui imaginent que Allah Azza wa Jal, il a une famille avec un père, avec des... Hein? Déjà, les Zeus chez les Grecs, c'était les dieux de l'Olympe. Eh bien, ils disent qu'il avait un père. Ils avaient un père qui était les titans, hein? Qui était les Chronos, qui était le père de Zeus. En tout cas, tout ça pour dire, Yanni, que si Dieu avait un père, eh bien, ce serait lui le dieu. Ce serait pas, en voulant dire, ce serait lui qui serait plus puissant que son fils. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le Tout-Puissant. Donc, il ne peut pas avoir de fils. Il ne peut pas avoir de père. Ala kulli hal, yani, c'est pour dire, yani, comment certaines personnes ont été aveuglées par des fausses croyances au point où ils en ont fait leur religion. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les juifs, eux, ils ont vu l'égarement des chrétiens à ce sujet-là. Il n'y a pas un juif sur terre qui n'est pas conscient que les chrétiens sont dans l'égarement par rapport à leur croyance en Jésus. Tous les juifs sur terre, ils savent que les chrétiens et leur croyance en Jésus, elle est fausse. Mais malgré ça, tu ne les vois jamais appeler les chrétiens à abandonner cette croyance-là et à accepter le tawhid. Pourquoi? Parce que les juifs, ils ne croient pas en la da'wah. Parce que pour eux, c'est leur peuple seulement qui compte. Et les autres peuples, ce n'est pas important pour eux d'être sur la bonne croyance. Et la raison de ça, c'est parce que Moussa, alayhi salam, il est venu uniquement pour les fils d'Israël. De même que Jésus, comme il l'a dit, « Je ne suis venu que pour la maison de la brebis égaré d'Israël, la brebis perdue d'Israël. Il n'est pas venu pour tous les peuples sur terre. Parce que, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, les prophètes auparavant étaient envoyés à des peuples spécifiques, hein, pour un temps spécifique. C'est seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, qui est venu pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Hein? Donc ça, c'est une des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si les juifs acceptent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens acceptent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y aura cette réconciliation entre les juifs et les chrétiens, parce que c'est cette séparation qui est arrivée, elle est due à une grande partie, c'est à cause de l'ignorance et les passions. Mais lorsque les chrétiens acceptent l'islam, ils reviennent au tawhid. Et lorsque les juifs acceptent l'islam, eh bien, ils acceptent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, ils acceptent aussi le Coran. Et ils acceptent en même temps aussi la foi en Isa. Et ils rejettent la Trinité des chrétiens. Puisque la Trinité, c'est un mensonge qui a été ajouté au message de Jésus. Donc tout ça, c'est des points importants, alhamdoulilah. Et tout ça pour dire comment Allah Azza wa Jal, il entend tous les jours ces créatures qui disent des paroles de kofr et de shirk et qui lui attribuent des fils et qui nie son existence, malgré ça, il est patient, il attend, il endure leurs propos. Vous imaginez tous les gens qui insultent Allah Azza wa Jal tous les jours, parmi les koufars, parmi les athées, parmi les mouchriquines, tous les jours ils insultent leur créateur. Et Allah Azza wa Jal, il est patient et il les laisse, hein, parce qu'il y a un terme qui a été fixé. Mais si quelqu'un parmi les hommes, un être humain, il se faisait insulter tous les jours par les gens, hein, il allait s'énerver, il allait peut-être essayer de les frapper ou de les battre ou de se venger d'eux. Allah Azza wa Jal, hein, c'est un créateur miséricordieux, le maître de l'univers. Et c'est pour cette raison-là qu'il est patient. Et eux, ils l'insultent, hein, et ils le nient, et malgré ça, Allah Azza wa Jal, tous les jours, il leur donne la subsistance. Il leur donne à manger. Il leur donne des vêtements. Il leur donne une maison pour habiter. Il leur donne de l'eau. Il leur donne de l'affection, de l'amour, de la tendresse. Tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie, Allah leur donne. Alors qu'ils ne méritent rien. Hein? Nasallallah al-afiyah. Ça, c'est pour nous montrer à quel point que Allah Azza wa Jal, il est patient avec ses créatures et comment il est miséricordieux envers ses créatures. Nasallallah al-afiyah. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.